Super Fail, Guillaume Erner. Parce qu'il n'y a pas que la réussite dans la vie, Super Fail ne s'intéresse qu'à l'erreur, l'échec, la catastrophe. Super Fail, parce que ça n'est pas si facile de réussir à échouer. Super Fail. Un placement négatif, c'est ce que propose le livret A, un placement négatif en termes réels, puisque le livret A est rémunéré 0,75% jusqu'au 1er février 2020, tandis que l'inflation, elle, est de 1,3%. Faire des économies coûte cher aux épargnants du livret A. Historiquement aligné sur l'inflation, le taux en est depuis plusieurs années éloigné. Et encore plus cette année, pour une inflation a priori autour de 1,8 à 1,9%, le livret A rémunère votre placement à 0,75%, de quoi largement dégrader la valeur de l'épargne. Avec ce qu'on a mis en banque il y a un an sur le livret A, on peut se payer moins de choses un an après. C'est ce qui décrit effectivement cette dégradation de pouvoir d'achat qui, encore une fois, est assez historique. Exemple du manque à gagner. Avec 1500 euros placés, vous avez 11,25 euros d'intérêt. Si le taux était aligné sur l'inflation, le rendement serait de 27 euros. Perte sèche, 15,75 euros, non négligeable pour les épargnants. Super Fail. Bonjour Xavier Timbaud. Bonjour. Vous êtes directeur principal de l'OFCE. Alors, lorsqu'on se rend compte qu'un placement vous permet de perdre de l'argent, alors que c'est un placement sans risque, hein, c'est important de le préciser, on se dit qu'il y a quand même du super fail dans l'air. Comment on en arrive là ? On en arrive là, en fait, après la crise de 2008, et une crise dont on n'est pas aujourd'hui remis. On continue à avoir une politique monétaire qui est extrêmement expansive et qui vise à corriger les effets de cette crise. Et en fait, si on est dans cette situation-là, c'est en gros une conséquence de cette politique monétaire, c'est qu'on peut pas faire véritablement autrement. Et donc on est un peu coincé entre avoir des taux très bas pour stimuler l'économie et essayer de remettre de l'allant dans l'économie mondiale et dans l'économie européenne. Et puis de l'autre côté, essayer de ne pas spolier les épargnants, ce qui est précisément le super fail auquel on arrive aujourd'hui, c'est-à-dire ce rendement en termes réels négatif sur le livret A. L'année 2020 va être très difficile pour le livret A parce que l'inflation va plutôt accélérer et les taux vont rester fixes et donc il va devenir effectivement très peu intéressant. Et oui, puisqu'ils sont fixés jusqu'au 1er février 2020. Alors pour que je comprenne bien, lorsque je dépose une somme de 100 euros sur mon livret A, qu'est-ce qui se passe concrètement, Xavier Timbaud ? Alors, concrètement, d'abord, la banque va le collecter et va vous garantir, elle est obligée, de vous rémunérer à 0,75% net de frais de gestion et net d'impôts. Donc, pour vous, c'est un placement qui est extrêmement simple. Vous mettez votre argent, vous pouvez mettre la somme que vous voulez, vous pouvez la retirer quand vous voulez, du moment que vous êtes dans les plafonds. Donc, c'est un placement extrêmement liquide, extrêmement sécurisé, extrêmement clair dans sa formule. Qu'est-ce que la banque va faire de cet argent ? Alors, la banque, ça c'est une question intéressante, la banque, elle collecte cet argent. Les banques se sont beaucoup battues pour enlever le monopole de la collecte du livret A à la banque postale. Donc, elle collecte l'argent et elle peut l'utiliser pour faire un petit peu ce qu'elle veut, c'est-à-dire le placer sur les marchés, elle peut l'investir. Elle en fait strictement ce qu'elle veut. Elle en fait ce qu'elle veut. Alors, le problème qu'elle va avoir, la banque, c'est qu'elle doit le rémunérer à 0,75%, plus les frais de gestion. Et donc, elle doit trouver des placements qui vont lui permettre de payer ses frais de gestion et de vous assurer la rémunération. Aujourd'hui, les banques disent le livret A, ça ne nous intéresse pas parce qu'il n'y a pas de placement sûr qui nous rémunère autant. En fait, à cause de la politique monétaire, grâce à la politique monétaire de la Banque Centrale Européenne, les placements sûrs, aujourd'hui, ils ont des rendements négatif, pas en termes nominaux, pas en termes réels, en termes nominaux. Ça veut dire que si je dépose de l'argent, par exemple, à la Banque Centrale Européenne, une banque peut le faire, Xavier Timbaud, combien va-t-elle être rémunérée ? Elle va être rémunérée moins 0,25% sur son placement à la Banque Centrale, et donc elle va elle-même perdre de l'argent. Alors, pourquoi elle accepte de perdre de l'argent ? Parce qu'elle a une grande sécurité. Elle sait que la Banque Centrale Européenne ne peut pas faire défaut. Et donc, depuis la crise de 2008. Ça, moi, je m'en fiche, puisque mes placements, ils sont garantis, mon compte bancaire est garanti jusqu'à 100 000 euros. Tout à fait. Mais par contre, le compte bancaire de la banque commerciale à laquelle vous êtes, elle, il n'est pas garanti. Et donc, elle se retrouve un peu avec une patate chaude. C'est-à-dire, elle a collecté de l'argent, mais elle ne sait pas trop quoi en faire. Alors, jusqu'en 2017, elle pouvait le donner à la Caisse des dépôts et passer la patate chaude à la Caisse des dépôts en disant « Bon, ok, la Caisse des dépôts, tu t'en occupes et tu vas essayer d'avoir un rendement positif. » Et alors que faisait la Caisse des dépôts ? Et la Caisse des dépôts, elle était un petit peu embêtée Et elle essayait, par exemple, alors historiquement, elle utilisait par exemple le livret A pour financer le logement HLM, en essayant d'expliquer au logement HLM que avec le livret A, il pouvait avoir une ressource pas très chère. Bon, aujourd'hui, les organismes HLM disent ouais, mais en fait, je peux me financer presque moins cher tout seul sur les marchés financiers parce que les taux sont très bas, parce que la Banque centrale a une politique qui vise à baisser les taux. Et le taux de 0,75 plus les frais de gestion, ce qui nous amène au-delà de 1%, bah, en fait, il n'est pas si intéressant que ça. Et donc, bah, il renacle un peu. Alors, la Caisse des dépôts a des moyens de pression, elle oblige un peu les HLM à prendre ses ressources. Mais bah, en 2017, parce que la Caisse des dépôts avait du mal à utiliser tout ça, on a obligé les banques commerciales à garder 40% des livrets A qu'elles collectent. Et là, ben, elles doivent les utiliser. Alors, bon, pour les banques commerciales, le livret A, ça reste quand même un produit d'appel. C'est un produit d'appel. Voilà, c'est OK. C'est-à-dire, elles perdent un peu d'argent là-dessus, mais elles espèrent se refaire sur d'autres choses. Et puis, elles fidélisent leurs clients, elles ont des bons rapports avec leurs clients. Les ménages, malgré cette faible rémunération, en tout cas jusqu'au début de l'année 2019, apprécient beaucoup le livret A. Parce que malgré tout, c'est une forte garantie. C'est quelque chose qui est très simple à utiliser. Il y avait jusque au cours de l'année 2018 un rendement qui était en termes réels pas trop faible, donc ça faisait un placement qui était pas si inintéressant que ça. On va voir ce qui se passe dans le futur, mais voilà, c'est un peu compliqué de préserver d'un côté les intérêts des épargnants et de l'autre côté cette obligation qui est perçue par les banques comme une source de perte. Alors certes, ça leur permet d'avoir des clients, mais c'est pas un avantage concurrentiel sur leurs voisins. Donc elles sont ambiguës, elles se sont beaucoup battues pour le livret A. Aujourd'hui, elles regrettent un peu. Alors, j'ai bien compris que les taux d'intérêt nominaux étaient négatifs, ce qui veut dire que aujourd'hui, si on veut avoir son argent garanti, eh bien, il faut le placer en banque en acceptant donc de perdre un peu chaque année. Xavier Timbaud, qu'est-ce que ça veut dire économiquement qu'un taux d'intérêt est négatif ? Donc, j'ai bien compris que ça voulait dire qu'il y avait une érosion monétaire, mais quand même, garder de l'argent, ça coûte si cher que ça ? Oui, garder de l'argent. Parce que si vous me donnez votre argent, je vous promets, Xavier, que je le garderai intact, ou pas d'ailleurs, mais en tout cas, moi, ça ne me coûte rien de le conserver dans mon matelas. Oui, alors, vous avez raison, ça pourrait paraître presque incroyable qu'on prenne de l'argent, on le mette dans une banque, même si c'est une banque centrale, alors que, en fait, il suffirait de le garder sous forme de billets, de pièces, ou de lingots, ou je ne sais quoi. Ça n'occupe pas tant de place que ça. Bah, alors, quand vous avez 1000 euros, ou 10 000 euros, ou même 100 000 euros, ok. Mais quand vous avez 10 milliards d'euros, imaginez, vous êtes une grande entreprise, vous avez beaucoup de trésorerie, vous êtes Airbus, vous avez beaucoup de trésorerie, vous avez de la trésorerie et vous voulez être sûr de pouvoir accéder à votre trésorerie à tout moment, bah 10 milliards d'euros, vous ne le mettez pas dans un coffre. C'est trop volumineux, c'est trop risqué. Et donc, vous allez chercher à pouvoir mettre votre argent quelque part avec un certain nombre de caractéristiques qui sont que vous pouvez pouvoir l'utiliser quand vous voulez, sans aucune limite. En 2008, en 2009, au moment de la crise bancaire et financière, un certain nombre de directeurs financiers sur la planète se sont rendus compte que cette sécurité, elle avait un coût. Et que ce qui paraissait évident, c'est-à-dire pouvoir retirer son argent et l'utiliser quand on veut, en fait, n'était pas du tout évident dans une crise bancaire et financière. Et donc, depuis 2008, tous les directeurs financiers de la planète acceptent de mettre leur argent dans des conditions très sûres, mais en acceptant un rendement négatif. C'est le prix de l'assurance de pouvoir utiliser votre argent quand vous voulez. Mais vous allez trouver ma question absurde, mais c'est vraiment une question de place, parce que si vous me donnez vos meubles, le garde-meuble va effectivement absorber de la place, et donc ça va coûter de l'argent. L'argent, aujourd'hui, est-ce qu'il a une existence physique ? C'est pas seulement une ligne de compte dans un ordinateur ? Si, vous avez raison. Donc c'est pas un problème de place physique. Ce qu'on paye, c'est vraiment la garantie. Vous avez de l'argent, vous le confiez à une banque. Vous pouvez dire, j'ai confiance dans cette banque, je pourrais retirer mon argent quand je veux. Maintenant, si la banque fait faillite, ce qui peut arriver, ce qui est arrivé en 2008, en 2009, vous vous dites, en fait, dans ce cas-là, mon argent, je ne peux pas le retirer. Et donc, je vais mettre mon argent à la seule banque qui est sûre de ne pas faire faillite, la banque centrale. Et c'est elle qui, parce qu'elle ne veut pas que vous mettiez votre argent chez elle dans de trop grandes quantités, parce que cet argent ensuite il est immobilisé, il ne vient pas tourner dans l'économie. Donc en fait, le taux négatif, il est avant tout désincitatif. Exactement, c'est une pénalité que vous devez payer en échange de cette sécurité, et cette sécurité, elle a un prix, c'est la banque centrale qui vous la fait payer, et ensuite la banque centrale, elle vous garantit le total accès à votre argent, vous ne perdrez pas, mais par contre, elle vous fait payer, et c'est elle qui va faire circuler l'argent. Question absurde, il n'y a pas des assurances qui peuvent me garantir que cet argent sera remboursé en cas de perte, Xavier Timbaud ? Si, bien sûr, il y a une grande variété de produits financiers dont certains vont vous donner une assurance. Mais ce dont on s'est aperçu en 2008, c'est qu'on peut avoir des crises systémiques où toute institution privée qui vous donne une garantie peut faire défaut. Y compris l'assurance. Y compris l'assurance. Et qu'à la fin... Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé en 2008. Et c'est ce qui s'est passé en 2008. Et ce qui a vraiment vacciné, effrayé un certain nombre de directeurs financiers. C'était la première fois que ça arrivait ? C'est pas la première fois que ça arrivait, mais ça faisait longtemps que c'était pas arrivé. Et donc tout le monde en avait perdu la mémoire. C'était 1929, le précédent. En gros, 1929, les grandes guerres qui souvent sont associées à des crises dans lesquelles il se passe des choses assez compliquées du côté de la sécurité. Mais effectivement, depuis la Deuxième Guerre mondiale, dans les pays développés, c'était quelque chose dont on avait perdu la mémoire. On en avait plus que perdu la mémoire. On avait fini par se convaincre que ça n'était pas possible, qu'on était arrivé à un niveau de sophistication, de développement, de complexité qui faisait que ça ne pouvait plus arriver. Xavier Timbaud, pourquoi la Banque Centrale est-elle méchante avec moi ? Donc j'ai bien compris que tout ça était désincitatif, qu'elle voulait m'obliger à investir mon argent dans l'économie réelle. Pourquoi ça ? Parce que on considère qu'aujourd'hui, le rôle d'une banque centrale, c'est d'accélérer une économie qui, sinon, aurait tendance à être un peu atone. Bah oui, il y a un petit peu chez vous, Guillaume, de l'épargnant allemand. Les épargnants allemands, aujourd'hui, se plaignent beaucoup de la banque centrale. Je vous le dis, ils se plaignent beaucoup de la banque centrale en disant qu'effectivement, elle est méchante avec eux. C'est-à-dire qu'elle ne les rémunère pas, elle leur prend de l'argent, en fait, avec ses rémunérations en termes réels qui sont négatives. Et qu'elle le fait au nom de la stimulation de l'économie européenne. Et donc, pour l'épargnant allemand, en fait, ces économies qu'il faut stimuler, c'est tous ces feignants qui sont en Italie, en Espagne ou en France. Ils le prennent assez mal. Eux, ils ne sont pas feignants. Au contraire, enfin, ils sont feignants. Ensuite, évidemment, non. D'abord, je ne vais pas dire ça. Et ensuite... Vous n'êtes pas totalement allemand, Guillaume. Alors, ensuite, on va considérer que ces gens-là, d'après ce que l'Allemagne dit d'eux... En tout cas, ils ont bénéficié de trop d'argent pendant trop longtemps et donc ils ont vécu à crédit sans pouvoir rembourser. Ce n'est pas un signe de paresse, c'est au contraire un signe d'astuce ou en tout cas de malice. Oui, d'accord. Donc les épargnants allemands, les fourmis, reprochent le comportement de cigale des Européens du Sud. Mais ce que fait la Banque Centrale ici, c'est qu'elle fait ce que Keynes posait comme solution à la crise, l'euthanasie des rentiers. Et donc précisément... Ces épargnants, ce sont aussi les rentiers, c'est-à-dire ceux qui s'enrichissent sans avoir à travailler. Or, quand une économie est en crise, quand il y a du chômage, il faut plutôt essayer d'impulser le travail plutôt que l'épargne, parce que sinon on risque d'amplifier et de faire perdurer cette crise. Il me semble qu'il y a une règle chez vous, les économistes Xavier Timbaud, qui explicite l'idée selon laquelle il y a toujours de l'inflation quelque part dans une économie. Donc si les rendements sont négatifs, ça veut dire que l'argent, il va aller ailleurs. Par exemple, je ne sais pas moi, dans l'immobilier, est-ce que le fait que le rendement du livret A et plus généralement le rendement des banques centrales soit négatif, ça explique l'augmentation des prix de l'immobilier ? Alors oui, ça y contribue, parce qu'effectivement, quand on abaisse les taux d'intérêt et qu'on essaye de stimuler l'économie, on ne stimule pas que la production de travaux de rénovation énergétique qui nous permettrait de faire la transition écologique, mais on stimule aussi le marché de l'immobilier ancien et la formation de bulles dans un certain nombre de marchés, c'est-à-dire des effets indésirables. Donc cette politique monétaire, c'est comme tout médicament, quelque chose qui a des effets qu'on cherche à avoir positifs, mais qui aussi, à certaines doses, va produire des effets négatifs et des effets secondaires qu'on va vouloir combattre. Donc il faut trouver cet équilibre effectivement là-dedans. Le but au fond, c'est d'essayer de relancer aussi les anticipations d'inflation. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que la crise de 2008, elle a installé un phénomène très lent et qui se diffuse dans l'économie, qui est que vous anticipez que l'inflation est très très faible et donc il n'y a pas de possibilité de rendement à vos placements risqués. Et à cause de ça, vous risquez la déflation. Or précisément, ce que veut faire la Banque Centrale, c'est d'essayer de réinstiller une anticipation d'inflation. Et ça peut commencer par faire un peu d'inflation dans le secteur immobilier pour qu'ensuite ça se propage. Le problème du livret A, Et on est vraiment aujourd'hui à la charnière. L'année 2019, de ce point de vue-là, va être assez importante pour le livret A. C'est que les anticipations d'inflation sont en train de reprendre, mais la rémunération du livret A, elle est fixée pour une année. Et donc, ça va être une année un peu sévère. C'est-à-dire que si vous envisagez, Xavier Timbaud, qu'il y ait de l'inflation de quel ordre? De l'inflation autour de 1,5%. Donc, on est quand même dans une inflation qui reste faible, mais qui va être bien supérieure à la rémunération du livret A. Alors, évidemment, le revers de la médaille, c'est que si le livret A a une rémunération basse, voire négative en taux réel, cela signifie que l'argent est moins cher et qu'à contrario, je peux emprunter le plus possible. C'est ce que j'aurais intérêt à faire aujourd'hui? Alors, c'est ce que vous avez intérêt à faire aujourd'hui. Mais le point est que certains ménages se trouvent en situation d'être des épargnants. Vous voyez, par exemple, il y a eu beaucoup de collectes du livret A pendant les derniers mois de l'année 2018. On dit qu'elles ont été records. Voilà, elles ont été records. Pourquoi? À cause de la crise des gilets jaunes, les gens ont fait moins d'achats au moment des fêtes de Noël et donc ils se retrouvent avec des liquidités. Donc, ils pourraient emprunter, mais emprunter pour faire quoi? Acheter de l'immobilier. Ouais, si vous avez déjà un appartement ou si vous trouvez des appartements à Paris trop chers, c'est pas forcément ce que vous avez envie de faire. Acheter une voiture. Si vous en avez déjà une et qu'en plus elle pollue et que vous vous dites il faudrait plutôt que j'ai une voiture qui ne pollue pas, c'est pas le moment d'acheter une voiture parce qu'en achetant une voiture, vous prenez le risque demain de perdre de l'argent. Du coup, vous êtes un peu dans cette situation où vous vous sentez bloqué et vous vous dites non, j'ai pas envie de dépenser aujourd'hui. Dans 5 ans, il y a les études de mes enfants, j'aurai des motifs de dépenser. Donc voilà, je préfère aujourd'hui épargner. Sauf que épargner, ça me coûte aujourd'hui et que oui, on cherche plutôt à m'inciter à acheter une voiture alors que j'en ai pas vraiment envie. Voilà, c'est un peu ce dilemme dans lequel on se trouve pris. On se trouve pris à ce croisement entre les nécessités de la politique monétaire et de la relance de l'économie, et puis vos choix et vos décisions pour le futur. Ça veut dire, juste pour clore ce sujet, Xavier Timbaud, est-ce que ça veut dire que les Français, contrairement à ce qu'on dit, ont malgré tout la capacité d'épargner? Ou alors c'est une catégorie de Français, ceux qui ont provoqué une collecte record? Je crois qu'on avoisinait les 400 milliards d'euros l'an dernier sur le livret A. Il y a derrière effectivement tout cela la question des inégalités qui est absolument centrale. Tous les Français n'épargnent pas. Tous les Français n'épargnent pas dans les mêmes montants. Mais ceux qui épargnent dans le livret A ne sont pas nécessairement les hyper riches. C'est pas les hyper riches, mais c'est pas non plus les plus pauvres. C'est-à-dire que, vous voyez, la collecte moyenne sur le livret A, elle est de l'ordre de 5 000 euros. 5 000 euros d'épargne, c'est pas les premiers déciles de la population, c'est pas les moins riches. Pour le salarié au SMIC, 5 000 euros, c'est un matelas de sécurité qui est considérable. On connaît l'épargne moyenne des Français? On connaît l'épargne moyenne des Français. L'épargne financière moyenne des Français, elle est considérable. Elle est l'ordre de 7 000 milliards d'euros. Ce qui veut dire que par Français? Ce qui veut dire que par Français, on a plus de 100 000 euros d'épargne par Français. Financière. Dans le bas de laine? Dans le bas de laine. Mais c'est un gros bas de laine. C'est un très gros bas de laine. Mais évidemment, les 10% français les plus riches ont une épargne qui est très très importante. Et la médiane? Et la médiane doit 50% être... 50% et au-dessus, 50% et en dessous. Ça doit être autour de 15 ou 20 000 euros, la médiane de l'épargne. C'est moins. Donc c'est beaucoup moins parce qu'il y a effectivement d'énormes inégalités en matière d'épargne. Bon, il y a simplement une inégalité en matière d'épargne qui est aussi liée à l'âge. Hein. Les jeunes ont beaucoup moins d'épargne que évidemment les seniors. Ah oui, c'est complètement injuste parce que c'est pourtant quand on est jeune qu'on a besoin d'argent. Alors, oui, c'est vrai, mais les jeunes empruntent et les seniors n'ont plus la capacité d'emprunter et donc, ils travaillent moins ou plus et donc ils mangent leur épargne normalement. Donc c'est aussi ça la logique qu'il y a derrière. Merci beaucoup Xavier Timbaud. Je rappelle que vous êtes directeur principal de l'OFCE. Superfell a été piétiné par Daphné Abgral à la production, gâché par Adelino Mello à la technique et surtout dévasté par David Jakubowiez à la réalisation.